gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Okay, let's see. You know what's new? Let's go. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Cullen. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez vous directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes le samedi 4 juin 2016 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Planète Indie. Nous en sommes à l'épisode numéro 373. Ça avance, ça avance, ça avance. Et puis comme chaque premier samedi du mois, eh bien nous nous retrouvons pour 1h30, 90 minutes de musique indépendante, de musique alternative. 90 minutes qui nous donnent l'occasion de vous faire découvrir le meilleur de ce que vous n'entendez nulle part ailleurs sur la bande FM. Au programme de ce jour, eh bien pas mal de bonnes choses. On écoutera un extrait nouvel album de Ravensmoreland. On écoutera Echo Blooms, une nouveauté, Burned Out Still Glowing, Mathieu Alpin, Le Next November, mais on commence avec une autre nouveauté. Je vous emmène dans un voyage dans le temps et dans l'espace, puisque je vous emmène du côté de l'Arizona en 1904. C'est le titre de morceau Arizona Territory 1904, et c'est un morceau de Dave Inslee, c'est extrait de son nouvel album. L'album s'intitule Just the Way That I Am. Restez bien avec nous sommes ensemble donc jusque 18h30. Mama always told us our Freya's really pretty in the springtime. When we were boys, we always said someday that we would like to travel there. I didn't know when time had passed that I would fall in with the wrong crowd. Dear Mama passed away before that fateful day. My brother shot me down. I don't know how it started, but the truth is we were always very different. He had a heart so true, he stood up tall and always did his very best. Don't know why my heart was black and cold and I could be so very vicious. I killed 20 men before the day when I had just turned 24 years old. Cactus flowers bloom out in the desert. Clear water forms a rocky stream that flows down from Black Canyon up above. Before the day is done, I'll take a bullet from the gun of my dear brother. An Arizona Ranger, he's the only one who thought to track me here. guess I could have killed him if somehow I could have found it in my mind to. I stepped into the street at 40 feet and then I looked him in the eye. Yes, I was tired of running, always looking back and forth over my shoulder. I let him win, I died for him, since I don't care, why should I even try? Mama always told us Awafria's really pretty in the springtime. When we were boys, we always said someday that we would like to travel there. Mama, aren't you glad I finally got to come and see all of this beauty? I'm dying in the street, but I still smell the pretty flowers in the air. Yes, I'm dying in the street, but I still smell the pretty flowers in the air. I'm mad. So À l'instant dans nos oreilles, c'était le Spicewood 7 avec le morceau Still Mad. Oui, ça fait toujours du bien d'être un peu fou, un peu, hein. C'est suffisant, pas beaucoup. Et avant cela, et pour débuter cette émission, c'était Dave Insley avec une reprise d'un morceau de Marty Robbins, Arizona Territory 1904. On va poursuivre avec le King Dean qui nous invite à danser pour lui, Dance For Me, mais avant cela, le groupe Post-American avec You Turned Back. Les guitares sont de nouveau de sortie, enfin elles sont bien de sortie aujourd'hui, vous allez voir. Dance for me, dance for me. Please reduce my misery. Dance for me, dance for me. I need love, baby, can't you see? So I've got want you to dance for me. Y a pas à dire, ça dépote. Hein. C'était King Dean avec Dance For Me. Alors, si on vous avait réveillé, eh bien, une bonne raison pour aller danser maintenant. Et puis, si vous voulez sortir ce soir pour aller danser, c'est peut-être le genre de musique que vous allez entendre. C'est le morceau La Riña par Next November. Et puis après cela, eh bien, nous partirons donc découvrir notre album Power Play avec, eh bien, on ira. Je vous le révèle déjà tout de suite du côté du Danemark aujourd'hui dans Planet Indie, mais tout de suite donc Next November avec La Riña. La musique de samedi soir dans Planète Indie, bah, ça tombe bien, on est samedi, on n'est pas encore vraiment le soir, mais ça ne va plus tarder. Hein. C'était donc le groupe Next November avec un morceau intitulé La Rigna. Il est maintenant... Il est 17h et quelle heure est-il d'ailleurs? Il est 17h et 25 minutes, donc il est grand temps de passer à la découverte de notre album Powerplay. Je vous ai dit qu'on allait aller du côté du Danemark avec un duo composé de Kare Hansen et Signe Marik. Désolé pour la prononciation. C'est un duo qui oscille entre le trip-hop, l'indie-pop, l'électro et en tout cas c'est du son nordique. Si vous nous êtes fidèles, eh bien vous savez déjà de qui je veux parler. Vous n'avez aucune excuse puisque ça fait deux mois que je vous parle de ce groupe, qu'on les passe dans cette émission. Et je vous dis que c'est mes chouchous du moment. Donc ce groupe s'appelle Inouï et l'album s'intitule Rawhide. Il est effectivement sorti le 5 mars 2016. Donc c'est tout chaud, hein. Je vous propose d'en écouter tout de suite un premier extrait. C'est vrai qu'au niveau de leur bio et présentation, c'est assez pauvre comme information. Là, ça filtre très peu. Donc, je vous en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Mais je vous propose donc d'en écouter un premier extrait qui s'appelle The Beast in Your Eyes. C'est donc notre powerplay aujourd'hui en Planète Indie. Et le titre de l'album, bah oui, faut que je vous le dise aussi, ça s'appelle Rawhide. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais comme ça, au moins, il vaut mieux le dire deux fois que pas du tout. On les écoute tout de suite, les Inouï. Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Michael from Socionic, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Mindle Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. J'espère que vous avez compris le message de ce soir. Interdiction de s'endormir, il faut se réveiller. C'était en tout cas ce que nous interprétait le groupe Almost Lost avec Wake Up. Comme vous le savez tout à l'heure, eh bien, on ira voir un peu ce qui se passe au niveau de la programmation de la Rockale. Avant cela, je voudrais que vous notiez dans vos agendas et que vous réserviez la date du 9 juillet 2016 parce que ça approche pas mal, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a le 9 juillet 2016 ? Eh bien, ce sera la 13e édition du Blues Express. Ben oui, le festival qui se tient à La Sauvage et au Fond de Gras. dans la commune de Differdange. À l'affiche cette année, eh bien, il y aura le guitariste américain Robin Ford, le groupe suédois Blues Pills ou encore un autre groupe habitué du festival, le groupe King King. Et puis vous aurez aussi l'occasion de voir des groupes locaux ainsi que des prestations de l'école de blues de Differdange, la Blues School. Et puis une nouveauté, cette année il y aura un blues bazar, c'est-à-dire une sorte de foire aux disques et aux instruments avec notamment la présence de luthiers. Sachez aussi eh bien, qu'à cette occasion les sites de La Sauvage et de Fond de Gras seront interdits à la circulation, mais il y aura des zones de parking évidemment. Et Planet Indie vous conseille, quant à nous, d'utiliser eh bien, les trains spéciaux et gratuits qui seront mis en place par les CFL. Et puis il y aura bien entendu le train minier qui rejoindra toutes les demi-heures les sites de la Fond de Gras à celui de la Sauvage. Ça, il vous en coûtera 2,50€ pour emprunter le train minier. Voilà, on continue avec toujours de la musique qui dépote. Je vous parlais tout à l'heure de Ravensmoreland en commençant cette émission. Eh bien, on va écouter un extrait de leur toute nouvelle plaquette. Ça s'intitule A Subtle Poison. Et puis après, on écoutera les Passing Sirens et le morceau Eyes. What? Eat cake. jusqu'à la dernière note parce qu'on les aime beaucoup, les Passing Sirens avec le morceau Eyes. Et avant cela, je vous rappelle, c'était un extrait de la nouvelle production de Raven Smallland et un morceau qui s'intitulait Subtle Poison. Retour au Danemark si vous le voulez bien. On va retourner sur notre album Powerplay, l'album Rawhide du groupe Inouï. Je vous ai parlé un tout petit peu de tout à l'heure. Donc le duo de Kar et Signe, eh bien, c'est un peu formé par hasard. Ils se sont formés donc en 2009. Ils se sont un peu rencontrés parce qu'ils avaient un ami qui connaissait un ami, qui avait un voisin, qui avait un ami. Enfin, vous voyez un peu l'histoire. Ça s'est un peu passé comme ça. Et à cette époque, à la différence de Kar, Signe, qui est la charmante blonde qu'on voit sur la pochette de l'album, à cette époque, eh bien, elle avait pratiquement abandonné complètement la chanson. Elle se sentait très timide et elle ne chantait plus que sous sa douche. Eh bien, heureusement qu'elle a décidé, qu'elle a changé d'avis, en tout cas que peut-être Kar l'a fait changer d'avis, parce que ça nous donne ce magnifique album aérien qui s'intitule donc Rawhide. Je vous propose un autre extrait. Le morceau que j'ai sélectionné pour ce deuxième extrait s'intitule I Blame You For It All. Je vous rappelle donc que dans cet épisode numéro 373 de Planet Indie, nous écoutons comme powerplay le groupe danois Inouï. Power play. The fruit is cut in two forever, separated from itself, divided. You took something with you, and you can't hide. In a flash he was gone, and how can something smell like the bloody truth suddenly turn so wrong, so terribly wrong? After everything that happened, it's still messing with my head, and now in my darkest hour I lie awake in bed. The closest and most familiar coming from afar. The closest and most familiar coming from afar. The closest and most familiar coming from afar. Thank you. Retenez bien leur nom, c'est pas la première fois qu'on les passe et chaque fois que je les passe, je vous dis que c'est un potentiel futur powerplay parce qu'on les aime beaucoup. Le groupe Stone Cupid avec la voix de Julie Christensen. Ça, c'est aussi un morceau nordique. Hein. On les écoutait avec No Mercy. On poursuit avec Lars Nelson et Ain't Got Your Love. If I ain't got your love, if I ain't got your love, if I ain't got your love, well, I've been nowhere at all. Red sky, I could pretend, but that would be a lie. If I ain't got your love, slip up a jewel from both your hands. Silence is clarity, you may understand. If I ain't got your love. Gentlemen of this pain, tangled and bruised, why you can see what I've been through. In my dreams I'm calling back to you, you, you, I'm calling back to you. No time for regrets, I had my fill. Can't move on, cause my heart never will. If I ain't got your love, I'll swim the ocean, I'll tame those waves. Wanna touch your heart and I won't be here. If I ain't got your love, if I ain't got your love, I may as well be out in the rain. Wash away my, you gentlemen of this pain, a jangled and bruised. Why you can see what I've been through. Your things I'm calling back to you, you, you, I'm calling back to you. Listening to Planete Indie. Hi, my name is Anya Parker-Lentz, and you are listening to Planet Indie. Hi, this is Sasha Papernick, and you are listening to Planet Indie. Thank you. Ça fait du bien, une musique un peu planante comme ça, ça change de tous les riffs qu'on a entendus précédemment. On va en profiter d'ailleurs pour passer en revue en vitesse, je dis en vitesse parce qu'on est un peu en retard aujourd'hui, passer en vitesse la programmation de la Rockale d'ici la prochaine émission. Prochaine émission qui se tiendra d'ailleurs le samedi 2 juillet entre 17h et 18h30. Alors, ce soir, 4 juin, Ladies of Soul à la Rockale. Le 5, moi je vais voir et j'espère que vous y allez aussi, Pentatonix. Le 7, c'est Disturbed. Le 11, c'est un hommage à Lucas. Le 12, Chris Brown. Et en même temps, le 12, il y a dans le club le Walk of the Hearse. Le 13, Pussifer. Le 14, Destroyer. Le 15, Beck. Le 16, Megadeth. C'est nouveau dans les riffs. Le 17, c'est le Proof's Fall Session 6 du Rock Lab. Le 21, Amon Amarth. Le 25, Joe Satriani. Et le 27 juin, James Bay. Avant de retourner sur notre album Powerplay, je vous propose d'écouter un artiste qui... Eh bien, ce morceau sonne un peu comme Bob Dylan. Il s'appelle Mathieu Alpin. Il nous interprète A Stable World. are building a stable world. Bon, je suis pas très très sûr non plus qu'à l'aune ou à la lumière de l'actualité internationale récente, ce soit vraiment tout à fait ce qu'on pourrait dire. Mais bon, c'est sa version. Il s'appelle Mathieu Alpin. Et c'est extrait d'un album qui s'appelle Seed, un album dont il a peint ou dessiné lui-même la couverture. Allez, retour sur notre album Powerplay, il est 18h13, il est grand temps parce que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas en avance. On retourne au Danemark avec les Inoui. On vous mettra une vidéo aussi sur la page Facebook de Planet Indie. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Facebook, c'est un moyen aussi comme un autre pour entrer en contact avec nous. On vous mettra donc une vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire, je me suis égaré avec mes histoires de vidéos. Donc j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Bah oui, c'est l'âge. Bon, bah écoutez, ça ne revient plus. Donc on va écouter un troisième extrait qui s'intitule Record the Darkness. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Oui, Inoui n'ont pas vraiment un site internet, un truc inoui.dk ou inoui.com, mais ils ont une page sur Facebook, sur Twitter, sur Tumblr, sur tout ce que vous voulez. Donc Inoui, ça s'écrit N-O-U-W-E-E. I-N-O-U-W-E-E. Voilà, on les écoute avec donc ce troisième et dernier extrait pour ce soir, Record the Darkness. C'était aujourd'hui notre powerplay dans Planet Indie. Powerplay. Your mind is changing colors again. You're quiet as I watch the clouds moving. You burn, you crash, marks into my walls, painting the fading leaves until it falls, till it falls. Hear me call, I will be lost and found again. You just looked at me as if you knew. So many lovers was here before us. You just looked at me as if you knew. So many lovers looking. As if you knew, so many lovers. now it glides. Flip it over, flip it, flip it, flip it over. Time is running out. Running, running, running, running, running, running now. You only got tonight to make a choice. What do you want? Do you wanna deal with that boy? Do you wanna sing? Do you wanna scream? Let me know before I say anything, anything, anything. Time out, yeah, your time's out. When I'm done with you, babe, you're not gonna know me, know me. Yeah, yeah, yeah. Time out, yeah, your time's out. When I'm done with you, babe, you're not gonna know me, know me. Your time now. Time is out, time is out, time is out. Love is falling now. Falling now, falling, falling, falling, falling, falling now. You've only got tonight to make a choice. What do you want? Do you wanna do with that boy? Do you wanna sing? Do you wanna scream? Let me know before I say anything, anything, anything. Yeah, your time's out. When I'm done with you, babe, you're not gonna know me, know me. Yeah, yeah, yeah. Time out. Yeah, your time's out. When I'm done with you, babe, you're not gonna know me, know me. I'm gonna be like a memory, memory. Time's almost out. Time out. Time out. Yeah, your time's out. When I'm done with you, babe, you're not gonna know me, know me. Yeah, yeah, yeah. Time out. Yeah, your time's out. Stop me. a bleak suicide and the beauty that decays, decays. Black moving stars are washed away in gold, in all enchanting queens. Is it a god that at times I love so hard, I wax and wane so confused. To free my soul I must let the ghost die. You were my home, plastic in my soul. So much painted bread, the dream is over now. Soul aches for a dream. I tried to fill that void. Voilà ce qu'on est en train d'écouter pour l'instant, c'est le groupe High Road Number 28 avec Ghost AMAD. Et avant cela, c'était Anthony Hannon avec un morceau intitulé Time Out. Bah oui, Time Out, on arrive tout doucement au bout de notre temps alloué pour cette émission. C'était l'épisode numéro 373 de Planet Indie. Pour ceux qui auraient raté le début et qui voudraient la réécouter, pourquoi pas. Nous serons rediffusés demain, dimanche 5 juin, aux mêmes heures, entre 17h et 18h30, sur cette même fréquence. Le podcast de l'émission sera disponible aussi très bientôt sur le site internet de Planet Indie et sur notre page Facebook. Donc vous tapez Planet Indie, planète à la française, hein, sans accent, enfin on peut mettre un accent mais avec un E au bout dans Google et vous arriverez chez nous. Notre prochain rendez-vous ce sera le samedi 2 juillet entre 17h et 18h30 pour un nouvel épisode. Ce sera l'épisode numéro 374. On a encore un morceau à écouter, on en avait deux mais bon le dernier on va devoir passer outre. C'est Matt Roach avec Bus to Chillicothe. Voilà, j'ai été très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous aussi, que vous avez apprécié la programmation musicale et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux le mois prochain. Je vous rappelle donc, le dimanche 2 juillet. D'ici là, passez une bonne soirée, un bon dimanche. Et puis on se retrouve le 2 juillet. Voire même demain pour ceux qui écoutent la rediffusion. À bientôt. I first heard her singing softly on a bus to Chillicothe. Reckon how I never heard a sound more sweet. Awfully sad to see her go through the rainy pane window. Emotion that she had my love to keep. Onward now, Ohio bound, past all the little sleepy towns. My thoughts won't quiet down and sleep. Well, got my car and headed home through the winding mountain roads. And pondered where's the space for you and me. How and who knows when, I know we will meet again. The picture in my head keeps telling me. Cause love comes in and love comes out. No ringing cannons or fiery shots. A flash of lightning on a lonely street. Thank you. And our time was not enough. But then again,